quatrième et dernier temps de notre série consacrée à une préhistoire qui nous apparaît aujourd'hui si proche et si universelle. Aujourd'hui, le documentaire signé Victor Massé-Dépinay et Anne Fleury. C'est un documentaire rare que nous vous proposons car lors de leur voyage récent en Afrique du Sud qui nous a permis de programmer une semaine d'émission sur ce pays et qui a été rendu possible grâce au soutien du pôle Idées et Savoirs de l'Institut français et de l'IFAS Recherche à Johannesburg, et bien notre équipe composée de Victor Massé-Dépinay, Hélène Langlois et Anne Fleury a eu la chance de pénétrer dans la grotte de Sterkfontein où a été retrouvé au milieu des années 90 le squelette complet d'un australopithèque tout récemment daté de 3,7 millions d'années, baptisé Littlefoot. Cette découverte, ce fossile, ce Littlefoot, est au cœur de notre documentaire du jour, tourné dans ce que l'UNESCO a baptisé le berceau de l'humanité, du berceau à l'université, sur les traces de Littlefoot. C'est le titre de ce documentaire, jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire, avec les témoignages de Ronald Clark, d'Amélie Baudet, de Dominique Stratford, de Laurent Brussel et d'Abel Molopolé. The first time I saw a part of Littlefoot was the ankle bone that I found in a box of animal fossils at Sterkfontein Cave when I was looking for antelopes or bovid fossils. And I saw this ankle bone, and my wife was sitting nearby studying some stone tools, and I said to her, "My goodness, what is this doing here?" And she said, "What?" And I said, "This is the ankle bone of an Australopithecus." Du berceau à l'université, sur les traces de Littlefoot. Victor Massé-Dépinay, Anne Fleury. Alors ces boîtes-là font partie de l'histoire de la découverte de Littlefoot, justement. Alors, en 1994, Ron Clark était ici, il était en train de regarder justement une petite boîte et il y avait marqué dessus bovidés. Donc, pour lui, c'était des bovidés. Donc, tous les jours, il regardait les boîtes puisqu'il cherchait justement des indices d'australopithèque qui venaient du fond de la grotte. Et donc, il étale ça sur une table et tout de suite, il voit quatre petits os et il dit, mais ça, c'est pas du bovidé, ça, c'est de l'australopithèque. Il les met de côté et puis il y avait un cinquième petit os qui était juste une esquille, donc juste un petit fragment d'os qu'il regarde, il savait pas bien ce que c'était, il le garde aussi. Il continue à avoir des boîtes pendant des années. En 1998, il est à l'université de Johannesburg, cette fois-ci. Il prend un sac dans des collections en voyant que ça venait de Sterkfontein. Et à travers le sac, il voit déjà des os. Il dit, ça me rappelle quelque chose. Il le vide sur la table. Et il y avait d'autres petits os qui correspondaient exactement à ceux qu'il avait trouvés en 94. Il faut voir, il voit des boîtes tous les jours. Et sur un os, il manquait un petit morceau. Et le petit morceau qu'il avait trouvé recollait dessus. Et donc, grâce à ça, il a recomposé un petit peu ses os. Et il avait les os de deux pieds partiel d'australopithèque. And then you went in the cave. Vous êtes retourné dans la grotte. Yeah, that told me that the rest of the skeleton. Ça voulait dire que le reste du squelette devait être encore dans la grotte. I thought this is going to be fantastic. Je pouvais pas y croire. Je pensais que ce serait tellement fantastique si l'on parvenait à trouver un squelette entier dans la grotte. Une découverte sans précédent. The fact that we had bones of le fait que nous ayons des os des deux pieds et des parties inférieures des deux jambes me faisait penser que le reste du squelette devait forcément se trouver là. J'ai donné un moulage de la partie inférieure du tibia à mes deux assistants, Stephen Motsumi et Nkwane Molefe, et je leur ai dit, allez dans la grotte avec des lampes torches et essayez de voir si vous trouvez quelque chose qui correspond. C'était un tout petit fragment. Après un jour et demi de recherche, ils ont trouvé l'endroit. C'était incroyable. Et nous avons commencé à fouiller. And to begin with, we uncovered the lower part of the legs. On a d'abord mis à jour la partie inférieure des jambes, et puis plus rien. Et pendant des mois, nous avons fouillé de plus en plus haut, jusqu'à atteindre le plafond de la grotte, sans rien trouver. Et j'ai dit, ça c'est impossible. On ne peut pas avoir deux jambes côte à côte sans le reste du squelette. Et c'est à ce moment que j'ai réalisé qu'en dessous, il y avait une petite cavité, un renfoncement. Et j'en ai conclu que la seule possibilité était que la partie haute du squelette avait dû s'enfoncer dans ce gouffre il y a des millions d'années et avait été recouverte par des dépôts formant une couche de sédiments épaisse d'au moins 20 cm. Alors nous avons découpé ce bloc de roche et nous avons trouvé le crâne. Puis un bras étendu au-dessus du crâne, le bras gauche avec la main. Puis ensuite, nous avons trouvé les côtes, un peu plus bas, les vertèbres, le bassin, en partie endommagé par l'eau qui avait coulé dans la grotte il y a des millions d'années. Et finalement, nous avons trouvé la partie supérieure des jambes qui complétait celle que nous avions trouvée plus haut. Et il va commencer peu à peu à le dégager de sa roche, de sa gangue. Il révèle comme ça le squelette quasi complet de Littlefoot. Et alors aujourd'hui, un squelette complet à 97%, il y a des petits bouts d'orteils donc, qui ont été dynamités. Mmh. Et les 3% restants, c'est les deux rotules qu'on n'a pas. Oui, il manque les rotules. Alors ça, c'est une grande question. Pendant très longtemps, on s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas de rotules? Parce qu'il en avait forcément. Et c'est très certainement que pendant la fossilisation, les genoux devaient être un tout petit peu plus haut que le reste du corps. Et c'est une partie qui a dû être un peu érodée, qui a été moins bien préservée. Mais avec un peu de chance, on les trouve un petit peu plus bas dans les sédiments. C'est encore à chercher. Ouais. Mais c'est le squelette donc le plus complet d'Australopithèque. Lucie, on en a que 40%, ce qui est déjà très très bien. Il n'y a pas de crâne. Là, on a eu la première main complète, le premier crâne en occlusion, c'est-à-dire que la mandibule fermait toutes les dents. Les premiers tibias, les premiers fémurs, enfin. Et si vous pouviez poser une question à Littlefoot, qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? La grande question que j'aimerais poser à Littlefoot, qui était une femme assez âgée, c'est pourquoi vous êtes-vous retrouvé dans cette grotte ? Qu'est-ce qui s'est passé pour provoquer votre chute dans cette grotte? Cela reste un grand mystère. Nom scientifique, STW573. Surnom, Littlefoot. Origine, sud du continent africain. Sexe, féminin, d'après Rand Clark qui l'a découvert au milieu des années 90. Âge, depuis peu estimé à 3,67 millions d'années. Signe particulier, un immense potentiel pour permettre à la science de progresser dans la recherche des origines de l'humanité. Non, on ne prend pas de casque. Voilà, là on monte sur la colline de Sacfontaine. Ils ont fait un petit chemin qui montre l'histoire de l'univers. Ça va nous permettre de vous caler un petit peu dans le temps. Voilà, les données astronomiques, le Big Bang, les plus anciennes roches d'Afrique du Sud, qui sont à 3,5 milliards d'années. Notamment ici, voilà, un point sur les reptiles mammaliens, qui sont une des grandes spécialités de l'Afrique du Sud, qui ont donné naissance aux mammifères. Donc c'est l'étape un peu de transition entre le dinosaure et le mammifère. Exactement, ouais, c'est ça. 220 millions d'années. C'est déjà presque... On avance dans le temps, c'est bon, on va arriver. Ça, c'est les séparations des continents, il y a 50 millions d'années. Et ça, c'est le pied de Littlefoot. À l'époque, tel qu'il avait été décrit, RJC, Ron Clark. Et donc, parce que Littlefoot a été trouvé par les os du pied, c'est pour ça qu'il s'appelle Littlefoot. À une époque, en plus, on parlait beaucoup de Bigfoot. Alors, donc, ils ont trouvé des petits os de pied et ils ont fait un jeu de mots en disant, voilà, lui, on va l'appeler Littlefoot. Laurent Bruxelles, nous voici à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Johannesburg, dans un endroit que L'UNESCO a baptisé il y a une vingtaine d'années « The Cradle of Humankind », le berceau de l'humanité. C'est ici précisément, dans la grotte de Sterkfontein, on est à l'aplomb de cette grotte pour le moment, que Littlefoot a été trouvé. Est-ce que vous pouvez nous aider un peu à comprendre le site dans lequel on se trouve? Et peut-être avec déjà une question en tête, c'est est-ce que il y a 3,7 millions d'années, Littlefoot pouvait voir un paysage qui ressemblait un peu à celui-là? Alors, c'est une des grandes spécificités de l'Afrique, c'est qu'on a des paysages qui sont anciens. Et de manière vraiment symptomatique ici, on est dans un paysage qui est très proche de celui qu'a connu Littlefoot, il y a 3,7 millions d'années. Alors on voit qu'en contrebas, on a une route qui suit une vallée de la Blaubank. Mais il faut imaginer que là, la seule chose qui changeait, c'est qu'à la place d'avoir ce replat où il y a de l'herbe, on avait un marécage. Donc on le sait parce qu'on a trouvé des fossiles, notamment d'éponges, des choses comme ça, qui nous montrent qu'on n'avait pas juste une petite vallée, on a trouvé aussi de l'hippopotame et du crocodile, donc il faut quand même qu'il y ait de l'eau. Donc on avait exactement les mêmes petites collines herbeuses qui émergeaient à peine d'un marécage. Et Littlefoot profitait justement de cet habitat, à la fois constitué d'herbes sèches comme aujourd'hui, et de zones marécageuses avec des végétaux, des animaux, etc. Alors est-ce qu'on sait aujourd'hui exactement où est tombé Littlefoot, dans quel trou il est tombé? Oui, on sait exactement. Alors l'avantage des grottes, c'est qu'elles gardent la mémoire de la forme. Donc il est tombé sur un tas, sur une espèce de sablier sur lequel il a roulé. Donc rien qu'en reconstituant ce sablier, on peut savoir à la verticale où était l'entrée. Mais en plus, on a pu le confirmer, puisqu'il y a une dizaine d'années, on est venu avec une équipe de traces de Toulouse, avec un drone équipé d'une caméra thermique à haute résolution. Trace, c'est le laboratoire. C'est le laboratoire Trace à Toulouse, c'est ça exactement. Et donc on cherchait de nouvelles cavités, et comme on sait que l'air chaud des grottes monte, donc on est venu quand il faisait très très froid, il faisait moins 6, on a fait voler ce drone et on a trouvé plusieurs entrées de cavités. Et puis il y avait un point particulièrement chaud sur le site de Sterkfontein lui-même, sur la fouille en surface. Donc là on a démonté le drone, on a pris la caméra et on s'est approché de ce point chaud et on a vu qu'il y avait de l'air qui sortait. On s'est dit, mais bon sang, là ça communique avec la grotte. Et en fait, on a mis avec Ron Clark un tuyau d'eau qu'on a fait couler et ça tombait exactement à la verticale du talus sur lequel était tombé Littlefoot. On venait donc de retrouver, 3,7 millions d'années plus tard, l'entrée par laquelle Littlefoot était tombé. Et l'hypothèse de. Le scénario de ce qui s'est passé pour Littlefoot, c'est quelque chose qui est important. Il est tout simplement tombé dans un trou, il marchait le nez en l'air et. Oui, alors après on peut inventer tout ce qu'on veut avant, et a-t-il été poussé, est-ce qu'il fuyait des carnivores? Il faut savoir que les zones d'entrée ici, les cavités, étaient souvent des abris de carnivores, parce qu'il y avait des arbres, parce qu'il y avait des rochers, il y avait des petits abris, et donc les carnivores vivaient là. Alors est-ce qu'il a été chassé, tombé? Il y a des ossements de léopard associés à Littlefoot. Donc Ron Clark des fois se pose la question si effectivement il n'a pas été attaqué, mais ça je pense qu'on n'en aura jamais la preuve, d'autant que sur le squelette de Littlefoot, il n'y a pas une seule trace de dent. Donc on n'a même pas aucune information sur la scène de crime, on a juste le corps, disons, qui est tombé là. Ce qui est sûr, c'est qu'il est tombé et qu'il est tombé suffisamment profond pour que d'abord mourir de sa chute. Il a roulé sur le talus, il a vraiment la position typique d'un corps qui se stabilise sur un talus en pente à 30 degrés. Et ensuite, aucun autre animal n'a pu venir le consommer. Et ça veut dire qu'il y avait au moins, là aujourd'hui il y a 20 mètres, on sait qu'il y avait au moins 10 mètres de plus, donc il y avait 30 mètres de verticale qui le protégeait, disons, de la surface. Comment est-ce qu'on peut expliquer que ce squelette ait été aussi bien conservé au fond d'un trou? Et bien, c'est simplement, on a pu le vérifier l'année dernière grâce au courant d'air qui circule dans la cavité. Il y a 5 ans, 2 lapins sont tombés dans la cavité par la même entrée que Littlefoot. Et on était avec Ron Clark, on a dit, tiens, laissons-les, ils étaient morts, hein. On les a pas sauvés, on ne pouvait plus les sauver. On a dit, laissons-les, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Et au lieu de se décomposer, en fait, ils sont totalement desséchés. Et la peau, ben, c'est devenu une momie, hein, c'est une momification. Elle est devenue très dure, on pouvait même les manipuler sans qu'ils se cassent. Et donc là, on imagine que dans une atmosphère sèche comme celle-ci, avec les os contraints par une peau, par du cuir, eh bien, on peut attendre très très longtemps que peu à peu des sédiments viennent le recouvrir. Et justement, Littlefoot a très certainement été momifié, et ça a été ensuite confirmé, puisque lorsqu'on a fouillé Littlefoot, lorsque Ron Clark enlevait la brèche le long des eaux, il y avait toujours un petit espace rempli de calcite qui correspondait à un vide. On ne savait pas à quoi pouvait correspondre à l'époque ce vide, et on a compris que c'était simplement la peau qui s'était rétractée sur les os. Des sédiments sont venus recouvrir tout ça, et puis au fil des milliers, des millions d'années, la peau s'est décomposée, elle a disparu, et ce vide a ensuite été rempli par de la calcite. Et on avait là donc finalement le mime de la peau de Littlefoot. La calcite, c'est ce qu'on trouve dans l'eau qui s'infiltre tout très doucement, c'est du calcaire. C'est du carbonate de calcium, et donc c'est l'eau qui va traverser le sol puis la roche qui va dissoudre ce carbonate de calcium et qui va le redéposer dans les grottes, et c'est notamment ce qui forme les stalactites et les stalagmites. Alors le trou dans lequel est tombé Littlefoot, il est là, on est au-dessus de la grotte sous nous. Il y a déjà des galeries sous nos pieds. On voit juste derrière nous, il y a une entrée là, ici, voilà. Il y en a une autre là, à 10 mètres. Pour vous donner une idée, tous les bosquets que l'on voit autour, il y en a des centaines, sont des entrées de grottes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces grottes ont été trouvées grâce, j'allais dire, au travail des mineurs qui venaient prospecter ici pour trouver de la calcite. Pourquoi est-ce qu'on cherchait de la calcite dans la région ? À quoi ça sert la calcite ? Alors, à la fin du 19e, on commence à trouver de l'or ici. Donc d'abord, il y a un petit village à côté qui s'appelait Johannesburg, qui va devenir une ville. Donc il faut déjà construire. Pour construire, il faut de la chaux. Nous, on fait la chaux avec du calcaire. Ici, il n'y en a pas, il n'y a que la dolomie. Donc il y a du magnésium à la place du calcium, sauf qu'avec ça, on ne peut pas faire du ciment. Et donc, à l'époque, ils ont l'idée d'aller chercher de la calcite ailleurs, et notamment dans les grottes, parce que dans les grottes, les stalactites et les stalagmites sont la calcite pure. Donc c'est parfait. Et donc les géologues vont parcourir la région, et ils vont, en marchant sur le sol, ils vont reconnaître de temps en temps de la calcite. Alors pour nous, géologues, ou pour les paléontologues, les archéologues, c'est très très intéressant, parce que lorsqu'on trouve la calcite, on sait nous qu'on est sur une ancienne cavité. Donc il faut imaginer que la grotte s'est formée en profondeur, plusieurs dizaines de mètres sous terre, des stalactites, des stalagmites se sont formées jusqu'à boucher entièrement la cavité, et puis au fur et à mesure de l'érosion, la surface petit à petit, pendant des millions d'années, a recoupé la cavité, et finalement on a l'intérieur de la grotte qui est à l'air libre. C'est ça que les mineurs avaient compris, et c'est ça qu'ils allaient chercher. En plus, l'intérêt de la calcite, c'est que c'est un fondant, c'est-à-dire que ça abaisse la température de fusion de l'or. Donc comme on commençait à trouver de l'or, il nous fallait aussi de la calcite pour abaisser la température de fusion. Et donc les mineurs cherchaient ça. Et c'est eux qui ont finalement systématiquement prospecté toute la région et ont trouvé des centaines et des centaines de grottes. Et ce qui a permis aussi de déboucher les grottes. Parce qu'au milieu, la grotte, elle était encore vide. Et donc eux, ils ont traversé le bouchon de sédiments et sont arrivés dans la cavité. Ils travaillaient à l'explosif, c'était assez violent comme... C'était assez violent, c'était effectivement à l'explosif. Donc eux, ce qui les intéressait, c'est la calcite. Mais dans les grottes, il n'y a pas que la calcite, il y a aussi la brèche, c'est-à-dire tous ces caillutis qui sont tombés dans la cavité par les entrées naturelles, qui ont ensuite été cimentés, et dans lesquels il y a les ossements. Mais ça, eux, ça n'avait aucun intérêt pour eux, donc c'était dilimité, c'était mis dehors sous forme de tas. Mais de temps en temps, quand même, ils avaient vu qu'il y avait des ossements. Et donc, il y a eu quelques échanges avec l'université de Johannesburg à l'époque, et il y a des chercheurs et des paléanthropologues ou des paléontologues qui venaient de temps en temps chercher quelques ossements, et qui venaient même les acheter. Et c'est comme ça que l'on a su que sur le site de Starkfontein, il y avait des fossiles. Ron Clark, vous préparez la coordination d'un numéro du Journal of Human Evolution qui va sortir prochainement. Vous courez le monde pour parler de votre découverte de Littlefoot. Quand nous étions en Afrique du Sud, vous étiez en Chine. Et c'est finalement en France, à Toulouse, que nous vous trouvons. Nous sommes au Muséum d'Histoire Naturelle. Pour un colloque sur les origines de l'humanité, vous êtes intervenu ce matin. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots, Ron Clark, à quel moment vous avez commencé à travailler dans les grottes de Sterkfontein ? Ça fait longtemps que je travaille sur le site de Sterkfontein. J'ai fait mon doctorat là-bas, en 1973. Mais ma première visite remonte même à 1969. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à ce site. C'était un endroit connu parce qu'on avait déjà fait des découvertes importantes à cette époque-là. Le tout premier Australopithèque adulte a été trouvé dans les grottes de Sterkfontein par Robert Broom en 1936. Et depuis, les recherches se sont concentrées à cet endroit. My PhD was on a cranium that I discovered in the Ma thèse portait sur un crâne que j'avais découvert au musée du Transvaal et qui venait de Swartkrans, une grotte voisine de Sterkfontein. And this particular cranium was in three parts. Ce crâne était divisé en trois parties. La partie avant, la mâchoire et une rangée de dents avaient été identifiées par John Robinson en 1953 comme appartenant à un hominidé très vieux de Jean genre homo. Mais il avait attribué les deux autres parties, à l'arrière du crâne, à un hominidé paranthrope. Et cette hypothèse avait été admise jusque-là. Mais j'ai pu prouver que ces parties arrière correspondaient en fait à celles de l'avant, attribuées précédemment au genre homo. C'était une situation étrange où les deux parties d'un même crâne, d'un même individu, avaient été attribuées à des familles d'hominidés différentes. Amélie Baudet, vous êtes chercheure au département d'archéologie de l'université du Witwatersrand, où vous nous accueillez aujourd'hui. Nous sommes dans l'Institut d'évolution humaine, dans une salle qui s'appelle le Hominid Vault, qui regroupe toutes les collections fossiles de cette université, ou une partie peut-être des collections fossiles de cette université. Il y a un certain nombre de fossiles qui sont très importants ou qui ont beaucoup compté dans l'évolution de la paléoanthropologie. Est-ce que vous voulez nous montrer peut-être certains de ces crânes en particulier ? Donc oui, il y a notamment un spécimen qui est vraiment important pour l'histoire de la paléanthropologie en elle-même, c'est l'enfant de Tang, qui est conservé donc à l'ISI, qu'on peut aller voir maintenant. C'était le premier spécimen donc découvert en Afrique et aussi le premier australopithèque en fait, qui a été décrit. Et il a été publié par Raymond Dart en 1925. Donc l'enfant de Tang est attribué à l'Australopithecus africanus. Donc il faut se resituer un peu dans le contexte pour savoir pourquoi il était si important. Parce qu'en Europe, donc, à cette époque, on connaissait déjà des fossiles de Néandertal, de Homo heidelbergensis, donc ce qui sera plus tard Homo heidelbergensis, donc en Europe. Et également en Indonésie, Eugène Dubois avait décrit des restes de ce que lui il appelait Pithecanthrope, qui est aujourd'hui Homo erectus. Donc à cette époque, les chercheurs pensaient plutôt à une origine européenne. Jusqu'à ce que Raymond Dart en fait, mette en évidence l'enfant de Tang en Afrique du Sud. L'enfant de Tang, c'est juste un crâne, ce qu'on en a, pas complet. On a quand même une mandibule inférieure et un crâne pour sa partie supérieure qui tient presque dans la paume d'une main. Alors oui, là en fait c'est donc, comme son nom l'indique, c'est un enfant, donc on a encore les dents de lait, on a encore, donc voilà, on voit bien que la face est encore celle d'un individu juvénile. Donc ça a aussi posé des problèmes pour définir le genre, l'espèce même, Australopithecus africanus. Puisqu'on sait que c'est assez compliqué d'établir donc une série de caractères sur un individu mature qui n'a pas fini sa croissance. Donc d'où aussi l'importance de la suite des découvertes à Sterfontaine, où on a découvert dans les années 30-40 le premier Australopithèque adulte. Et qui s'appelle comment ? Donc il est TM1511. Ah, c'est moins poétique. Un peu moins, voilà. Mais après, ça en est suivi. On a aussi découvert le crâne de Mrs. Pless, qui est lui le crâne le plus complet d'Australopithecus africanus. Donc tout ça à Sterfontaine. Je les ai mis là-bas, je ne sais pas si... Ah bah, allons-y. Là sont les moulages. Donc Mrs. Place, c'est elle. Oui, Mrs. Place, donc là, comme pour Littlefoot, donc on a un crâne presque complet. Il manque par contre les dents. Mais on peut décrire l'ensemble de la morphologie du crâne. Donc de nouveau, c'est important aussi pour définir les espèces. Donc Mrs. Place est à partir de Australopithecus africanus. Elle est presque complète, mais il y a d'autres spécimens qui proviennent de la même zone stratigraphique de Sterfontein, comme STS71 et STW505, qui sont, eux, les moitiés de crâne. Donc on a la moitié droite et la moitié gauche, qui sont aussi des découvertes remarquables, hein, parce qu'on a, donc là, on a les dents, on a donc toute la moitié du crâne, donc on peut voir les orbites, on peut voir la morphologie du crâne, un peu de la base du crâne. Donc ces deux autres spécimens ont permis, en fait, l'élaboration de cette hypothèse de coexistence, on va dire, de Africanus avec une autre espèce d'Australopithèque qui serait Prometheus. Donc là, de nouveau, basé sur un certain nombre de caractères crâniens qui permettent de définir ces espèces. Donc on va reprendre les passerelles et on va monter tout au sommet de la colline. Il faut imaginer qu'à l'époque, il y avait 10 mètres de plus de rochers, que l'érosion a peu à peu fait disparaître. Donc en fait, si on était là il y a 3,7 millions d'années, on aurait vu passer Littlefoot. On ne va pas prendre le même chemin, donc on ne s'approche pas trop. Non, il faut faire attention. Et là, on va marcher sur ce terrain un petit peu chaotique. Vous voyez, tout ça, c'est de la brèche. Vous voyez, les blocs collés les uns contre les autres. Tout ça, il y a de l'ossement dedans. Voilà. Mais comme c'est de la brèche un petit peu dure à choisir, les paléanthropologues ont préféré creuser dans la brèche tendre. Nous sommes maintenant devant un endroit où on a trouvé... Mrs. Pless, c'est son nom, a été trouvée, il y a une petite plaque. Elle a été datée dans un premier temps, pendant longtemps, à un peu plus de 2 millions d'années, 2,2 millions d'années. Aujourd'hui, les datations sont réeffectuées, révisées. Comment est-ce qu'on date un squelette d'Australopithèque? On ne peut pas dater l'os directement? Non, on ne peut pas dater l'os directement. Quand on date de l'os directement, on fait du C14 en général, mais là on est bien au-delà de la méthode d'application du C14, donc ce n'est pas possible. Et le C14, ça s'arrête à 50 000 ans. Donc de toute façon, là on est déjà beaucoup trop loin. Et puis effectivement, ces fossiles sont suffisamment rares pour qu'on n'aille pas encore détruire une dent ou quelque chose pour justement avoir une date dont on n'est pas sûr qu'elle marchera. Donc on ne prend pas trop de risques. Et le problème de datation est un problème majeur ici dans la région. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les dates tournaient toujours entre 2 millions 2 millions 4 maximum. Et par exemple pour Ron Clark, c'était ça le problème, c'est que lui, son fossile, il avait bien l'impression qu'il avait une allure ancienne. En plus, il était très très profond dans la grotte, donc il se disait c'est certainement des niveaux les plus anciens. Et pourtant, ça donnait toujours 2,2 millions d'années. Et c'est pour ça qu'il m'avait fait venir, c'était pour essayer de répondre à cette question-là. Alors comment on date les fossiles? Si on ne peut pas dater les os, eh bien on va dater l'environnement, ce dans quoi ils sont emballés. Et dans les grottes, il y a deux types de sédiments qu'on va utiliser. Ce sont d'abord les planchers de calcite, donc c'est les stalactites et les stalagmites. L'eau va continuer à s'écouler et va déposer comme ça des lamines successives de calcite. Cette eau, lorsqu'elle arrive dans la grotte, elle a dissous de l'uranium dans le sol, l'uranium étant soluble. Et puis lorsque cet uranium va être fixé dans la calcite, il va peu à peu se dégrader, exactement pareil que tous les isotopes, et notamment en thorium, ça nous permet de remonter jusqu'à 400 000 ans environ, mais aussi en plomb. Et donc on peut dater en uranium-plomb ces planchers de calcite. Donc c'est eux qui ont été datés autour du Littlefoot et autour du Mississippi Place et qui ont donné 2,2 millions d'années. Et donc lorsque je suis venu travailler, moi j'avais regardé en détail tous ces planchers qu'on a l'habitude de voir dans les grottes. Et je me suis aperçu que leur sommet avait une forme bien particulière. D'habitude c'est de l'eau qui a coulé, donc ça dépose des formes très arrondies, très régulières. Alors qu'ici on voit qu'il est extrêmement chaotique. Eh bien, ce qu'on a pu démontrer, en faisant juste de la géométrie, c'est que ces planchers de calcite sont venus dans des vides au sein de la dolomie, de la brèche. C'est-à-dire que la brèche était déjà là, elle était déjà cimentée, et puis elle a été carriée, elle a été érodée, et bien plus tard, des planchers de calcite sont venus se former à l'intérieur. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas les utiliser pour dater la brèche. Donc on a publié en 2014 un article en disant, voilà, les fossiles sont certainement plus vieux, au moins 1 million d'années compte tenu de l'histoire de ces planchers de calcite. Alors lorsqu'on a démontré, nous, ce phénomène, du coup c'est intéressant parce qu'il y a des équipes qui avaient déjà essayé de dater Littlefoot par une autre méthode qui à l'époque avait donné quasiment 4 millions d'années. Mais à l'époque tout le monde leur avait dit, mais vous êtes fous, c'est beaucoup trop vieux, il n'y a pas de fossiles aussi vieux en Afrique du Sud. Et donc ils avaient un petit peu laissé tomber. Lorsqu'on a publié ça et qu'on a dit que les dates à 2 millions devaient être oubliées, cette équipe est revenue, a rééchantillonné tout autour du Littlefoot, et cette fois-ci, ils n'ont pas pris la calcite, ils ont pris les morceaux de quartz, qu'on appelle des tchertes, qui sont ici dans la brèche. Et ils ont appliqué une autre technique qu'on appelle les cosmonucléides. Donc voilà, donc là, c'est une technique un petit peu particulière. Lorsqu'on est à la surface, on est constamment bombardé par des rayonnements cosmiques. Vous, moi, l'air, les plantes, les roches, etc. Et ça va créer des isotopes au sein de certaines roches, et dans le quartz notamment, ça va créer de l'aluminium et du béryllium. Donc tant que ces cailloux sont à l'air libre, ça produit de l'aluminium et du béryllium. Et puis lorsqu'ils tombent sous terre, suffisamment profond, ils sont protégés du rayonnement cosmique, et cette fois-ci, les isotopes vont décroître. Et l'aluminium et le béryllium ne décroissent pas à la même vitesse, mais on connaît exactement la vitesse à laquelle ils décroissent. Donc en mesurant le rapport entre les deux, eh bien, on sait depuis combien de temps ils sont tombés sous terre. Et donc cette équipe est revenue. Ils ont prélevé sur toute l'épaisseur sous Littlefoot, au niveau de Littlefoot et au-dessus sur toute la brèche. Ils ont daté, ils ont pris 11 échantillons et il y en a 9 qui ont donné 3,7 millions d'années, c'est-à-dire qu'on avait une date qui est presque parfaite. Et donc là, Ron Clark avait raison, son fossile était bien ancien, il n'avait pas 2,2 millions d'années, mais 3,7, c'est-à-dire 1,5 million d'années de plus que ce que donnaient les dates. Et 500 000 ans de plus que Lucie à peu près, pour prendre un exemple. Et c'est ça, et 500 000 ans de plus que Lucie. Alors là, du coup, ça devient très très intéressant. Alors depuis, on a fait d'autres dates, notamment pour Mrs. Place qui était donnée à 2,15 millions d'années. Maintenant, on est autour de 3 millions d'années. Donc, ce que ces dates apportent, au-delà de la chronologie en elle-même, c'est que ça montre qu'ici, on a une histoire paléanthropologique, une histoire de l'origine de l'homme, qui est aussi ancienne qu'en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, on a des fossiles d'Australopithèques qui vont jusqu'à plus de 4 millions d'années. Mais à l'époque, on disait, ben, l'Afrique de l'Est, c'est le berceau de l'humanité. Et ici, quand on a des dates récentes, eh bien, c'est plus tard, ils arrivent ici, ils migrent, etc. Maintenant, on a des dates qui sont quasiment synchrones. Et ça montre une chose, certainement, c'est qu'on n'a pas un berceau de l'humanité. Il y a déjà beaucoup de gens qui l'avaient dit, mais grâce à ces dates, on peut le prouver. c'est qu'on a au moins deux morceaux du berceau de l'humanité qui existent et qui évoluent en même temps, et que très certainement il en existe beaucoup d'autres. Là, Laurent Bruxelles, on est en train de descendre dans la grotte par l'entrée officielle, l'entrée publique. Ici, c'est un bon endroit pour faire un petit point sur les données géologiques du site. Et oui, parce que pour comprendre l'histoire de la grotte, c'est important de revenir au début de la cavité et de remonter jusqu'à 2,6 milliards d'années. Donc, on est au-delà de la moitié de l'histoire de la Terre. Et ces roches-là qu'on a sous les yeux, cette roche grise, un peu lacérée, qu'on appelle... C'est une dolomie, donc c'est un petit peu comme des calcaires, mais dedans il y a du magnésium à la place du calcium. On l'appelle une dolomie peau d'éléphant d'ailleurs, parce que lorsqu'elle est altérée, ça ressemble à de la peau d'éléphant. Et ça, c'est une roche qui s'est formée au fond de la mer. À l'époque, c'était une mer peu profonde, relativement tiède, donc il y avait moins de 10 mètres d'épaisseur d'eau. Et au fond de cette mer vivaient des algues, en fait ce sont des bactéries, des algues bleues, qu'on appelle des stromatolites. Ça vit encore aujourd'hui, donc ce sont des bactéries qui ont plusieurs milliards d'années. Elles vivaient au fond de la mer, elles profitaient de la lumière, elles faisaient de la photosynthèse, et surtout elles fixaient le CO2. Et en fixant le CO2, elles ont déposé cette roche-là, qu'on appelle la dolomie. Donc c'est grâce à elles, d'abord, que l'on a ces dépôts, cette roche, mais c'est aussi grâce à elles qu'aujourd'hui on respire. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'atmosphère était tellement chargée en CO2 qu'elle était invivable, et tout le CO2 de l'atmosphère a été fixé dans les roches-là, et elles ont relâché de l'oxygène, donc aujourd'hui, grâce à elles, on vit. Alors, c'est intéressant parce qu'on a des formes ici qui sont préservées. Vous voyez ces espèces d'ondulations que l'on voit là ? Bien, ça, ce sont les formes des vagues, c'est la houle. On appelle ça des ripple marks. Ça nous donne une idée des vents qu'il y avait à l'époque sur cette mer. Vous voyez, il y a 2,6 milliards d'années, on a des instantanés comme ça qui sont préservés. On a des petits passages de tempête, qui sont ces petits niveaux granuleux, où la houle était un petit peu plus forte, où elle érodait. Et l'intérêt de la dolomie, c'est un peu comme le calcaire, c'est que c'est une roche qui est soluble dans l'eau. Donc, c'est pas du sucre ni du sel, mais malgré tout, au fur et à mesure du temps, l'eau va utiliser les différentes fractures, elle va s'infiltrer dans la dolomie et elle va la dissoudre. Et donc, ça va faire toute une section de petits tuyaux, si vous voulez, qui peu à peu vont s'élargir, se hiérarchiser, jusqu'à donner des galeries qui font plusieurs mètres ou plusieurs dizaines de mètres de diamètre, comme dans la cavité. Donc, cette grotte dans laquelle on va pénétrer maintenant, Laurent Bruxelles, la grotte elle-même a été creusée quand l'eau était encore là. Alors, la roche s'est déposée quand la mer était encore là, la roche. Puis ensuite, le continent africain s'est surélevé, donc il s'est retrouvé au-dessus du niveau de la mer. Et très très longtemps après, l'eau s'est infiltrée dans les calcaires. Ah, l'eau de pluie, dans ce cas. Ouais, c'est l'eau de pluie et va dissoudre les calcaires. D'accord. Donc c'est l'eau de pluie. Il faut déjà que l'on ait de l'eau qui puisse circuler et qui soit voilà avec une vallée qui est en train de se creuser, avec des plateaux de l'autre côté. Et cette eau va suivre le chemin pour essayer de rejoindre la rivière. Et c'est sur son chemin qu'elle va dissoudre les dolomies et donc creuser des grottes. Et donc là, au moment du creusement des grottes, on est à peu près à quelle époque, puisque ces roches sont déposées 2,6 milliards d'années. Oui. Alors le continent se surélève plusieurs fois. Il y a une très très longue histoire géologique. Mais globalement, on peut dire que ces grottes commencent à se former il y a 15 millions d'années. Donc, il y a un énorme temps qui déjà n'est pas enregistré, qui est le temps pendant lequel cette roche va attendre finalement d'être attaquée directement par l'eau d'infiltration. Alors on va descendre ? On descend, voilà, on va prendre ces quelques marches. On va faire attention à la tête, la voûte est un peu basse. Voilà, attention ici. Un peu de lumière, hein. Vaut mieux avoir un appoint. Et vous voyez ici au plafond, donc on voit ces formes un petit peu arrondies là. Ça, c'est les traces de l'eau, les rivières souterraines. Et on a donc là les formes de dissolution de la cavité. C'est important parce que c'est ça qui crée le vide. Et c'est ce vide-là ensuite qui, lorsqu'il va être connecté à la surface, comme ici, va ensuite être rempli par des cailloutis, par des plantes et évidemment par des ossements. Donc, d'où l'importance de comprendre l'origine de la grotte, sa formation, sa géométrie, pour savoir ensuite comment ça se passait à l'époque lorsqu'on veut fouiller le site et qu'on fait la démarche inverse, où on va de l'os jusqu'à la grotte. Alors là, on descend, on va descendre jusqu'à combien de mètres sous terre ? On va être à 40 mètres sous terre. Et ensuite, on ne pourra pas aller plus bas parce qu'on va rejoindre un infratique. Donc la grotte continue, mais sous l'eau. Donc vous voyez, là, on est au pied d'une pente naturelle. bien ça, c'est un talus. C'est un talus de cailloutis, de végétaux et d'ossements qui sont tombés par l'entrée là-bas de Littlefoot. Et ça forme comme un sablier. Et c'est intéressant parce que pour nous, en plus, ça représente du temps. Donc on a plusieurs millions d'années enregistrées sous forme d'un sablier dans la cavité. Et dans ce sablier, sur un des flancs du sablier, il y avait Littlefoot, qui est tombé, qui a roulé sur le talus, qui s'est stabilisé ici à 10 mètres de là. Donc il fait partie de cet enregistrement. On va passer ici à gauche. Attention de ne pas glisser, on fait un peu d'hors-piste. Je vais vous montrer quelque chose. Mais c'est des volumes qui sont vraiment gigantesques, enfin, qui font 20, 30, 40 mètres, des angles assez saillants, des arêtes qui pendent. C'est aussi pour ça qu'on se perd dans ces grottes, parce que lorsqu'on a ces pendants de voûte, ça fait des labyrinthes à l'échelle du mètre, des fois, on est en train de chercher notre chemin, un vrai labyrinthe. Nous allons descendre ici, pardon. Donc voici le lac de l'un des lacs de Sacfontaine. Alors c'est un lac tout simplement parce qu'ici la grotte continue en profondeur, mais elle passe sous le niveau de la nappe phréatique. On est ici exactement à l'altitude de la vallée en surface de la rivière. Donc tout ce qui se passe à partir de ce point en dessous est noyé. Et c'est l'endroit où la grotte actuellement est en train de se creuser. Voilà, elle continue à se former. Je vais passer de l'autre côté. Je vais pas nager. Hein. Hop, c'est bien fermé. Je vais montrer comment que l'eau est belle sous terre. C'est de l'eau de source avant la source. Vous avez vu le reflet que ça fait sur la voûte? Elle est fraîche là. Avec le rayon de la lampe frontale à la surface de l'eau, on voit en effet une eau. Il y a une visibilité de plusieurs dizaines de mètres. Totalement claire. Elle est cristalline. Il reste énormément à explorer. On attaque la remontée. Petite série d'escaliers. Alors vous allez voir qu'on est un peu plus essoufflé qu'en surface parce qu'il y a du CO2. Alors vous remarquez, de nouveau, on est sur une pente. C'est un talus. Tout à l'heure, nous étions de l'autre côté. Et là, on est en train de remonter de l'autre côté du sablier, dont on voit le reste ici collé contre le plafond. Et je vais vous montrer qu'il reste des ossements dedans. Alors, il y avait des morceaux d'os qui traînent ça. Oui, on reconnaît les petits trous dedans, qu'on appelle les trabicules. Voilà, la porosité. Un peu spongieux, enfin. Exactement, c'est ça. Et alors, pour extraire un petit bout d'os comme celui-là, qui fait quelques centimètres, on extrait un bloc un peu plus gros, un peu plus large. C'est ça, un bloc un peu plus gros, et on le finit au laboratoire en surface, qui était le laboratoire de Ron Clark, qui est un petit peu mieux équipé. Sachant que Littlefoot, on avait fait en sorte, Ron Clark a fait en sorte de garder la cohésion du squelette, puisque comme il était en connexion, sa posture était très importante. Donc il a d'abord tout nettoyé dans la grotte, avant de sortir par gros morceaux. Ce qui fait qu'on le voyait vraiment affleurant. Il a pas sorti os après os. Donc on pouvait voir la scène de crime dans la grotte pendant plusieurs années. Dominique Stratford, vous dirigez aujourd'hui le groupe de recherche de la grotte de Sterkfontein. Est-ce que vous pouvez nous raconter la première fois que vous avez vu le squelette de Littlefoot? Où est-ce qu'il était? Dans quel état? So, I first saw Littlefoot. About 2011. La première fois que j'ai vu Littlefoot, ça devait être en 2011. J'étais étudiant à l'université de Witt et nous étions en sortie sur le terrain avec les professeurs Clark et Kuman. Ron Clark se préparait à exhumer une partie des ossements de Littlefoot. C'était vraiment une période extraordinaire, très excitante. Je me souviens notre arrivée dans la grotte. On descendait les marches dans l'obscurité pour arriver à la première salle. C'était très silencieux. On entendait seulement les gouttes des stalactites. Et en avançant, on commençait vaguement à entendre le bruit des outils de découpe, des burins. Ça faisait un bruit horrible, un peu comme la fraise d'un dentiste. On a continué à s'approcher et Ron a ouvert le passage vers ce qu'on appelle la salle de Silberberg. Et là, dans un recoin sombre, il y avait le squelette de Littlefoot. On ne voyait pas grand-chose encore à ce moment, il fallait s'approcher très très près. Le professeur Clark a été très sympa. Il nous a emmenés individuellement jusqu'au squelette, un par un. Il était vraiment passionné quand il parlait de Littlefoot et comment il l'avait trouvé. À l'époque, on pouvait seulement voir l'os de la jambe et la cassure, l'endroit où les dépôts de sédiments recouvraient l'autre partie du squelette. On commençait à peine à voir les parties inférieures du squelette. On distinguait un bout de bassin. Le crâne avait déjà été dégagé. Et on pouvait le voir par terre. C'était fantastique. Il y avait aussi un os du bras découvert au-dessus. C'était vraiment très fort. Je me souviens que toutes les personnes présentes dans la grotte avaient conscience de vivre un moment important. Ron était à la fois très fier et extrêmement prolixe. Durant des heures, nous avons parlé avec lui, assis dans la grotte, de ce que ce squelette pouvait représenter, alors que nous n'avions pas encore sorti les ossements de la grotte. Est-ce que vous vous rappelez le moment où le squelette est sorti de la grotte pour aller dans l'atelier de Ron Clark? Oui, ça a été une journée très éprouvante. Les os étaient enchâssés dans des morceaux de sédiments solidifiés. Littlefoot était pris dans ces gros blocs et il fallait donc sortir chacun de ces blocs un par un. Sans déranger les autres fossiles, parce qu'autour de Littlefoot, il y avait plein d'autres fossiles, de singes, de microfaunes, que l'on ne voulait pas abîmer. Il a fallu beaucoup de temps pour extraire soigneusement ces larges blocs, les soulever et les sortir de la grotte. Et alors ça a été une vraie fête, un moment fantastique. Nous avons transporté les différentes parties du squelette en plusieurs blocs. Le crâne, nous l'avons remonté par l'échelle dans une sorte de nacelle. C'était très lourd. J'ai présenté Littlefoot au monde extérieur et je lui ai dit « Et voilà, tu revois la lumière du soleil pour la première fois après 3,5 millions d'années. » Vous parlez à Littlefoot parfois, Ron Clark? Oui, je lui parle. Vous savez, il y avait un oiseau qui venait dans la grotte à chaque fois que je descendais y travailler sur Littlefoot. Il me suivait et il chantait pour moi. C'était presque comme si l'esprit de Littlefoot était dans cet oiseau qui avait surgi de nulle part et qui était là à chaque fois pour m'accompagner quand je descendais dans la grotte. I can say it's my ancestors. Yes. Je peux dire que c'est mon ancêtre. La première fois que j'ai vu Littlefoot, c'était incroyable. J'étais très, très heureux. Abel Molopole, vous avez travaillé ici dans ce laboratoire avec Ron Clark pour nettoyer les eaux, mettre au point des techniques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait avec Littlefoot, combien de temps ça a pris? Yes, I started here with Ron Clark. Oui, j'ai commencé à travailler avec Ron Clark en 1999 à l'université de Witt. I started working Littlefoot et sur Littlefoot en 2001. Now, I'm not the one that je n'y étais pas au moment de la découverte, mais je l'ai aidé à sortir Littlefoot de la grotte. Je l'ai aidé à nettoyer tous les os. How did you clean the bones? Oh, we are using the S-scribe. It's a little machine. Yes, but before we get on utilise une fraise pneumatique, mais au début, avant d'arriver à l'os, on se sert d'un petit marteau et d'un burin pour retirer la brèche. When we are closer to the bone, then we start using the S-scribe. So we didn't want to damage the bones. On ne veut rien abîmer. Yeah. Now the bones are cleaned. Ensuite, on a emmené Littlefoot à l'université de Witt. Et maintenant, je fais des moulages. Des moulages de tous les os de Littlefoot. Amélie Baudet, c'est ici que Littlefoot est entreposé, dans cette vitrine, sous un drap rouge, que vous allez peut-être soulever. Oui. Il faut savoir que Littlefoot, c'est le squelette d'Australopithèque le plus complet qui a jamais été découvert jusqu'à ce jour. Avec ce pied gauche, puisque c'était bien le pied gauche, je suppose, qui a été retrouvé, c'est le plus complet. Voilà. Le pied droit, il manque... Il manque encore quelques petits morceaux de Littlefoot. Mais pour nous, paléanthropologues, c'est une découverte majeure. On n'a jamais mis au jour un squelette aussi complet. Et ça nous permet en fait, d'apprendre énormément de choses sur les Australopithèques. Donc le fait d'avoir ce squelette, donc, par exemple les os longs, enfin, tout ce qui est donc, post-crânien, donc les jambes, les bras, on peut discuter de comment en fait, ces Australopithèques se déplaçaient dans leur environnement. Par exemple, est-ce qu'ils étaient bipèdes comme nous, est-ce qu'ils marchaient sur leurs deux jambes, ou alors est-ce qu'ils passaient un certain temps dans les arbres. Et donc là, avec Littlefoot, il semblerait, donc, comme pour les autres Australopithèques, on ait affaire à un comportement, en fait, on appelle ça un comportement locomoteur, qui est un peu un mélange entre la bipédie, donc au sol, et peut-être une partie arboricole, donc dans les arbres. Une chose frappante quand on regarde Littlefoot tel qu'il est reconstitué dans cette vitrine, c'est qu'il a les épaules très hautes, presque pas de cou. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est simplement une impression? Alors oui, du coup, ça c'est un aspect intéressant de Littlefoot. Alors dans le cou, il y a notamment la première vertèbre qu'on appelle l'atlas. Et cette atlas, en fait, on ne la voit pas justement dans le squelette parce qu'elle est encore dans le crâne. L'aspect intéressant, c'est que Littlefoot a été scanné à l'aide d'un microscanner. Donc c'est un scanner beaucoup plus puissant que ce qu'on a à l'hôpital ou dans les centres radiologiques. Et avec ce scanner, donc on peut aller jusqu'au micron. Donc on a des images très très précises de l'intérieur en fait, de Littlefoot. Et en scannant le crâne, donc on a pu retrouver cette fameuse première vertèbre, donc cet atlas à l'intérieur du crâne. On a pu l'extraire virtuellement et la reconstruire. Donc là, c'est aussi quelque chose qu'on est en train d'étudier, donc essayer de reconstituer justement ce cou qui va nous apporter aussi des informations, tout simplement, encore une fois, sur la locomotion, sur notamment cet aspect du temps qui pouvait passer Littlefoot dans les arbres ou au sol. Elle était à l'intérieur du crâne à cause de son éventuelle chute ou à cause de ce qui s'est passé pour le squelette ou parce que le corps de Littlefoot vivant était fait comme ça, avec peut-être une mobilité de la tête moindre que la nôtre? Alors non, là, ça c'est vraiment lié au processus de fossilisation et des conditions et de chute de Littlefoot. Alors, vous, Amélie Baudet, vous êtes très nombreux à travailler sur ce fossile. Vous vous intéressez particulièrement, je crois, à sa tête, d'abord à son cerveau, c'est ça? Oui, alors, ce qui m'intéresse le plus chez Littlefoot, mais aussi chez les hominines fossiles en général, c'est plutôt la biologie, en fait, ce qu'on appelle, nous, paléobiologie, parce qu'il s'agit de fossiles, donc savoir comment ils vivaient. Et donc, il y a une des interfaces qui est assez intéressante entre l'hominine et son environnement, c'est le cerveau. Donc, malheureusement, le cerveau, en fait, on ne le retrouve pas dans le registre fossile, puisque les tissus mous, en général, ne se fossilisent pas. Par contre, on a l'empreinte du cerveau qui est laissée sur la surface interne de la boîte crânienne. Le cerveau n'est pas directement en contact avec la boîte crânienne, donc il y a des tissus entre les deux. Mais on a encore accès à des empreintes, on va dire, de la forme du cerveau. Donc ce que nous on appelle par exemple les sillons qui permettent de délimiter les aires cérébrales qui sont liées à certaines fonctions, par exemple les aires du langage ou de la motricité. Et on a aussi accès aux empreintes vasculaires, donc c'est-à-dire vraiment le réseau sanguin en fait, du cerveau. Donc tout ça, on a ces informations sur le crâne. Et ce qu'on a pu voir, c'est que ce cerveau est, on va dire, différent des hominines plus récents qu'on trouve en Afrique du Sud, par exemple à Sterfontein, des hominines d'environ 2 millions d'années. Donc on note des différences avec Littlefoot qui lui a plus de 3 millions d'années. Et ces différences se notent notamment dans la partie arrière du cerveau qui, elle, est reliée à l'aire visuelle. Donc pour nous, c'est assez intéressant de voir ces différences, que ça indique qu'il y a donc quelque chose s'est passé entre les deux. Et cette période, en fait, entre 3 et 2 millions d'années, elle est absolument critique pour l'évolution humaine, puisqu'on a énormément de changements dans l'environnement. On sait qu'il y a vraiment des chamboulements dans l'environnement en Afrique à cette période. Et donc on peut relier potentiellement en fait, ces changements dans le cerveau à un changement dans l'environnement et en fait au changement, on va dire, des interactions entre l'hominine et son milieu. Donc voilà le type d'informations qu'on peut extraire de Littlefoot et notamment de son cerveau. En tant que paléanthropologue, on cherche aussi à classer les individus, à savoir comment ils sont reliés en termes de parenté. Et donc Littlefoot pourrait représenter l'espèce Australopithèque Prometheus, donc une espèce différente de Australopithecus africanus. Donc ces deux espèces auraient pu coexister à un certain temps donné en Afrique du Sud. Donc là, de nouveau, Littlefoot nous donne une autre information sur, en termes de diversité, finalement, biodiversité comme aujourd'hui, mais la biodiversité des hominines fossiles d'il y a plus de 3 millions d'années. Littlefoot est l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de chacun de nous, ou plutôt notre arrière-arrière-arrière-grand-tante. Je dis ça parce qu'elle est sans doute issue d'une branche connexe de la lignée humaine. Ce n'est pas forcément notre ancêtre direct. Mais ce qui est important pour moi, c'est tout ce qu'elle nous enseigne sur nos ancêtres qui vivaient il y a plus de 3 millions d'années. Tant de choses que nous ignorions auparavant, car c'est la première fois que nous disposons d'un squelette complet. On peut ainsi mesurer la longueur des bras et celle des jambes et prouver que leurs jambes étaient plus longues que les bras, donc avec des proportions humaines. On peut dire aussi beaucoup de choses grâce au crâne, parce que nous avons un crâne entier avec toute la dentition, les mandibules. Et comme nous disposons de ce crâne et du squelette correspondant, pour la première fois, on peut lier les ossements de n'importe quel membre à un type de crâne particulier et ainsi identifier l'espèce à laquelle il appartient. Désormais, nous pouvons identifier toute l'espèce animale. Quand je regarde Littlefoot, je vois un squelette complet, unique, comme personne n'en avait découvert auparavant. Mais Littlefoot est un représentant des australopithèques que nous avons retrouvés dans la région, et il diffère de la plupart des autres. Dans une très longue histoire de l'évolution humaine que nous avons pu documenter, Littlefoot ne constitue qu'une pièce du puzzle. Et donc, même s'il peut nous apporter un nombre considérable d'informations sur l'évolution, il n'éclaire qu'une fraction minuscule de notre histoire. En étant le plus vieux spécimen retrouvé, il ouvre surtout un pan entier de nouvelles recherches. Pour chaque question à laquelle l'étude de Littlefoot permet de répondre, il y a une centaine de nouvelles interrogations. Merci à Ron Clark, Amélie Baudet, Dominique Stratford, Abel Molopolé et Laurent Brussel, ainsi qu'à toute l'équipe de l'IFAS Recherche à Johannesburg. Merci également à Maria del Carmen Ariasa Dorado et à José Braga. Traduction Anne Bellon, lecture Marc Pérez. Prise de son Hélène Langlois et Emmanuel Morse-Duncan, mixage Alain Joubert. Du berceau à l'université sur les traces de Littlefoot, un documentaire de Victor Massé de l'Épinay et Anne Fleury. Comme d'habitude, vous pouvez écouter ou réécouter ce documentaire sur le site de la Fabrique de l'Histoire, sur franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est FabriqueFC. Fabrique FC, demain, eh bien la table ronde fiction mensuelle de la Fabrique de l'Histoire. À demain.